بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. aujourd'hui le samedi 18 du mois al-Muharram de l'année 1445 de l'Hégire, correspondant au 5 août 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble cette série qui concerne l'athéisme. L'athéisme, la religion la plus absurde que l'humanité a connue. L'athéisme, la religion dans laquelle il y a le plus de contradictions avec toute chose. Et nous avons vu précédemment que l'athéisme s'est servi de la théorie de Darwin pour renier le Créateur, et donner une nouvelle explication de l'origine de la vie sur Terre et de la création de l'univers. Et comme on l'a vu, toute cette théorie n'est basée que sur l'imagination de ce théoricien et sur des illusions et n'a pas de fondement scientifique proprement dit. Si on parle de la science expérimentale, cette théorie n'a aucun fondement. Ça reste une hypothèse que cet homme a eue. Mais le capitalisme s'est servi de cette théorie car elle était en parfait accord avec ses intérêts et ses profits. De la même manière que l'athéisme s'est servi d'une autre étude qui a été menée par un grand pédophile qui s'appelle Alfred Kinsey. Cette fois, c'est pour détruire toute moralité et toute valeur chez l'être humain dès sa naissance. Donc, ce Alfred Kinsey, un Américain, qui a mené une soi-disant étude scientifique. Vous allez comprendre ce que c'est l'étude scientifique. Et vous allez comprendre que quand ces gens-là, ils veulent appuyer une tendance qu'ils ont déjà, ils n'hésitent pas à se servir de tout et n'importe quoi. L'essentiel, c'est d'avoir une soi-disant preuve scientifique, car c'était une époque où on était ébloui par la science et l'avancée technologique. Et il suffisait de donner un aspect scientifique à une théorie pour qu'elle soit acceptée par les gens de la masse. Les gens de la masse qui connaissent pas les sciences. Et il se servait des médias et de différents outils afin de propager leurs convictions. Donc, ce Alfred Kinsey, avec une équipe de chercheurs, ont mené cette soi-disant étude sur 317 enfants. Et excusez-moi, tout ce qui concerne l'athéisme en général, il est choquant, mais peut-être que là, ça va être encore plus choquant. Donc, ils ont mené une étude sur 317 enfants. Tout ça est publié dans son livre. J'ai oublié le titre. Dans lequel il expliquait la tendance sexuelle chez l'homme. Et par la suite, il a mené une autre étude sur les femmes. Il a publié un autre livre. Toutes ces informations que je vais vous donner sont tirées de ce livre, dans lequel il explique les tendances sexuelles chez l'homme. Donc au début, l'expérience était faite uniquement sur le sexe masculin. Ils ont pris 317 enfants. Après, on ne connaît pas dans quelles circonstances ces expériences ont été menées. Ça, ils l'ont jamais dit. Car ces choses-là, c'était considéré à l'époque comme des crimes intolérables. Et pourtant, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, ils ont pris 317 enfants. On ne sait pas, est-ce que c'est eux qui ont fait ces pratiques sur eux? C'est l'équipe elle-même. Ils ont engagé des gens pour faire ces choses-là sur eux. Ou ils ont choisi des gens qui font déjà ces choses-là pour les observer pendant leur pratique. Tout est possible. En tout cas, les expériences ont été faites sur 317 enfants et les résultats, on va les voir. Et tout ça a été publié dans son propre livre. Le livre, le premier qu'il a publié, Alfred Kinsey. Et les enfants, leur âge allait de 5 mois. Il y avait des enfants de 5 mois. Il y avait des enfants de 11 mois. Il y en a de 5 mois, il y en a des bébés. Il y avait des bébés de 5 mois. Des bébés de 11 mois. Des bébés de 2 ans. 3 ans, 4 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et le nombre total des enfants était de 317 enfants. Sur ces enfants, ils ont fait des expériences sexuelles afin de comprendre le comportement sexuel d'un enfant dès la naissance. Dès la naissance. Donc, des expériences sexuelles, c'est-à-dire il y a eu des relations sexuelles avec ces enfants, que ce soit entre ces enfants et des adultes ou des enfants, car on appelle un enfant jusqu'à 18 ans, on l'appelle un enfant selon eux. Donc, ou bien entre enfants, des relations sexuelles, ou bien des adultes avec ces enfants. Des adultes avec des bébés de 5 mois, des bébés de 11 mois. Quelqu'un peut se poser la question, et c'est une question tout à fait légitime, une équipe de chercheurs qui sort des résultats, et je ne vous ai pas encore dit le résultat, qui sort des résultats et qui dit clairement que ces expériences ont été faites sur ces enfants-là, et c'est des expériences sexuelles, on s'imagine que toute cette équipe a fini en prison. Toute cette équipe a fini en prison. En plus, le chef de l'équipe, Alfred Kinsey, c'est un pédophile reconnu pour sa pédophilie. Ils étaient punis par la loi américaine. C'est pas possible. Avant de dire ce qu'il en était de cette équipe de chercheurs et de leur étude et des résultats auxquels ils ont abouti, on va dire d'abord les résultats. Ils ont constaté que ces enfants avaient des orgasmes sexuels lors de ces expériences, à commencer par le bébé de 5 mois. Tous, ils avaient des orgasmes sexuels. Et la conclusion et le résultat de ces expériences et de cette étude, que l'homme peut jouir de relations sexuelles dès la naissance. Dès sa naissance, il peut avoir des relations sexuelles et c'est une source de plaisir et d'orgasme pour lui, car ils ont compté le nombre d'orgasmes pour ses enfants. Et dans le tableau, vous voyez le nombre d'orgasmes pour chaque tranche d'âge. Donc, plus choquant encore, comment il savait les orgasmes de ses enfants? Comment ils constataient et ils arrivaient à compter le nombre d'orgasmes de ses enfants? Les expériences ont été pratiquées sur 24 heures, une journée de viol de ses enfants, une journée de viol pour constater le nombre d'orgasmes qu'ils ont eu sur 24 heures. Donc, comment ils réalisaient l'orgasme d'un bébé de 5 mois? Ils ont dit que ces relations sexuelles elle provoquait chez ses enfants, elle provoquait, yani, des pleurs, des larmes, des crispations, il fuyait celui qui voulait avoir des rapports avec eux, avoir des relations sexuelles avec eux, il le fuyait, et ça pouvait arriver jusqu'à l'évanouissement. Ils ont dit, c'est comme ça que les enfants manifestent leur orgasme. C'est comme ça que les enfants manifestent leur orgasme. Quand un enfant jouit d'une relation sexuelle, un enfant de 5 mois, ou là de 10 mois, ou là de 1 an, 2 ans, comment tu peux constater qu'il jouit de la relation? C'est quand il est crispé, il a des vertiges, quand il tremble, tout son corps tremble, quand il s'évanouit, il peut s'évanouir. Ne t'inquiète pas, continue à faire ce que tu fais avec lui, car il est arrivé au summum de l'orgasme. Il est arrivé au summum de l'orgasme. Oui, c'est pas une histoire inventée, c'est des faits réels qui ont été faits aux États-Unis, le pays des libertés. Et sur ces enfants-là, 317 enfants. Et donc, l'étude est sortie avec comme résultat que l'être humain peut jouir d'une relation sexuelle dès la naissance. Et après, ils ont fait la même expérience sur des filles, des petites filles de 4 ans, de moins de 4 ans. Ils ont fait les mêmes expériences sur des petites filles de moins de 4 ans. Il y a un parmi les chercheurs de cette équipe qui a dit qu'on savait, il a dit comme ça, car la grande question était comment ils ont pu faire ces expériences sur les enfants. Est-ce que c'est eux qui les ont fait? Est-ce qu'ils ont payé des gens pour les faire? Est-ce qu'ils ont eu des relations avec des pédophiles pour leur permettre de les observer pendant les actes? En tout cas, il y a des filles qui ont témoigné qu'ils ont incité leurs parents à avoir des relations avec eux, avec ces filles, avec elles, contre des sommes d'argent. Et un parmi les chercheurs a dit qu'on savait que c'était interdit dans la loi de faire ces expériences, mais il fallait les faire. C'est pour ça on les a fait, et on est d'une manière irrégulière. Après, les détails, on les connaît pas. Lakin, on connaît les résultats de cette étude. Donc, cette étude, elle nous dit quoi? Elle nous dit que on peut violer des enfants, on peut avoir du sexe avec des enfants, c'est pas un problème, même l'enfant, il peut avoir des orgasmes. Donc si un adulte peut avoir des relations avec un enfant, donc pourquoi pas entre enfants. Et c'est pour ça, dans les recommandations de l'ONU qui ont soutenu ces résultats, et ça a été soutenu principalement par celui qui a fondé par la suite le magazine Playboy. Il a dit qu'il était beaucoup inspiré de ses recherches et ça lui a donné l'idée de faire son magazine, le magazine de la prostitution qui s'appelle Playboy. Donc, je disais, ils étaient punis. Ils ont eu combien d'années de prison, ces chercheurs? La réponse, c'est que non seulement ils n'étaient pas punis, mais leur résultat était la cause du changement de beaucoup de lois aux États-Unis et par la suite dans le monde. Car ça s'est développé, ça s'est propagé, et il y a eu beaucoup d'associations qui ont été créées par la suite pour propager la même idée. La même idée à laquelle est arrivée ces recherches. Et parmi les associations les plus actives dans le monde aujourd'hui, une association qui s'appelle Planned Parenthood. La planification de la famille américaine. Et dans laquelle ils appellent, et ni parmi les conséquences de cette étude, ce que vous voyez aujourd'hui en France, où on cherche à initier les enfants aux relations sexuelles dès leur jeune âge. Car l'enfant, il peut avoir des orgasmes, il peut jouir d'une vie sexuelle. C'est ce qu'ils appellent dans certains pays musulmans, donner une éducation sexuelle saine. Lakin, le résultat, c'est le même. Le résultat, c'est le même. Et vous constatez que tout va dans le même sens que ce qu'on a vu hier. On propage les moyens de contraception, on incite à l'homosexualité, on diabolise le mariage et les familles nombreuses, on incite. Et cette étude, elle a été à la base d'un phénomène qu'aujourd'hui ils appellent la sexualisation des enfants. C'est un phénomène où on cherche à rendre les enfants, leur donner des envies sexuelles très tôt et provoquer les envies sexuelles chez eux très tôt, notamment à travers Netflix, ces réseaux, et à travers tous les films qui sont faits d'une manière générale, mais ce Netflix, il est très fort dans ce domaine-là, où il propage des films, on voit les enfants avoir des relations avec eux, des rapports, il n'y a pas de souci, l'enfant peut jouir de sexualité dès la naissance. C'est pas 10 ans, ou là 9 ans, ou là en attendant qu'il soit pubère. Par contre, cet enfant qui peut avoir des orgasmes et jouir sexuellement dès la naissance, il ne peut pas se marier avant 18 ans, paradoxalement. Pourquoi le mariage, c'est pas une forme de jouissance sexuelle également? Non, là non, c'est pas autorisé, c'est pas bon pour lui. Il peut avoir plusieurs partenaires, ça c'est une jouissance sexuelle. Donc, est-ce qu'il peut avoir plusieurs épouses? Non, même pas une seule épouse. Même pas une seule épouse, c'est pas une bonne chose le mariage, c'est une très très mauvaise chose. Et après, ça c'est surtout sur le plan de la femme occidentale émancipée et libérée, c'est elle où ils vont la travailler sur ce point-là, le point du mariage, jusqu'à lui faire détester le mariage et lui faire voir que le mariage, c'est la cause de tout ce qu'elle a subi à travers l'histoire de la part des hommes. C'est à cause du mariage. Donc, on excite les enfants au maximum dès leur jeune âge. Donc, les enfants, forcément, ils vont avoir des envies sexuelles. Comment assouvir ces envies sexuelles d'une manière légiférée à travers le mariage? Non, le mariage, c'est pas autorisé jusqu'à 18 ans. Et les enfants, ils deviennent pubères pour les filles de 8 ans à 18 ans. Et pour les garçons de 9 ans à 18 ans. Donc comme ça, ils sont sûrs que tous les enfants, ils sont devenus pubères, ils ont des envies sexuelles au maximum, avec toutes les excitations qu'ils leur font au quotidien, à travers les films, à l'école, à travers toutes les femmes qu'ils voient dans les rues, dénudées, tout ça. Après cet enfant, comment il va faire? Il ne lui reste qu'une seule voie. C'est la fornication. Et c'est ça qu'ils veulent. C'est la fornication. Donc, parallèlement à notre travail, donc ça c'est les deux plans principaux sur lesquels s'est appuyé l'athéisme afin de propager ses idées. C'est la théorie de Darwin et ses travaux de Enzi. Aussi, il y a un autre plan de travail très important qui consiste, d'après les slogans, à l'émancipation de la femme occidentale. Maintenant, ils veulent également libérer la femme musulmane qui est soumise et qui est mariée de force, mariée malgré elle, qui est comme un esclave de l'homme, ils veulent la libérer. Donc, si on veut résumer, l'émancipation de la femme passe forcément par son travail et l'abandon de son foyer et de sa famille. Une femme qui veut s'émanciper, devenir une femme libre, indépendante, qui n'a pas besoin de l'homme, elle est son égale et elle peut être supérieure à lui. Pourquoi elle a besoin d'un homme? Pourquoi elle a besoin d'un mari? Pourquoi elle a besoin d'un père, d'un frère? Elle n'a plus besoin d'homme. C'est une femme émancipée. Donc pour y parvenir, il faut qu'elle travaille. Et travailler, forcément, va impliquer l'abandon, ne serait-ce qu'en partie, de son foyer et de sa famille. C'est pas une femme qui va s'occuper pleinement de son foyer et de sa famille. Et dans cette société occidentale, comment on valorise la femme? Comment on prétend vouloir valoriser la femme? La femme, sa valeur dans cette société est proportionnelle à son attirance physique, à sa beauté physique. C'est pour ça qu'ils ont rendu la plupart des jeunes filles malades à vouloir se transformer et devenir comme ces mannequins. Donc, forcément, pour que la femme soit valorisée, parce que la femme dans ces sociétés, elle n'est pas valorisée selon son comportement, sa moralité, sa pudeur, son travail, son intelligence, ses sentiments, le temps qu'elle accorde à ses enfants et à sa famille, à élever des enfants et leur accorder une bonne éducation. C'est pas ça les valeurs de la femme dans ces sociétés. La valeur de la femme, c'est sa beauté physique, principalement. Et ça, c'est selon des sondages qui ont été faits dans ces sociétés-là. Quand on leur dit, quelle est la chose qui donne de la valeur à la femme à tes yeux? Sa beauté. Son aspect physique. C'est ça la femme. Donc, en l'occurrence, si la femme, sa valeur est liée à son physique et à sa beauté, pour qu'elle puisse travailler, faut qu'elle travaille ce côté-là, qui va la valoriser. Parce qu'on va pas la valoriser selon son intelligence ou selon ses moralités, comme j'ai dit. On va la valoriser selon sa beauté physique. Donc la femme, la pauvre femme occidentale, et ça, il y a des femmes intelligentes en Occident qui ont réalisé ce piège qu'on leur a tendu et qui envient la femme orientale, la femme orientale qui est encore préservée de tous ses vices. Donc, la pauvre femme occidentale a été instrumentalisée de cette manière pour assouvir les désirs sexuels de l'homme. C'est qui tire le profit dans cette histoire? C'est l'homme, bien évidemment. Une étude qui a été menée en Grande-Bretagne et qui a été publiée par BBC News, ils ont démontré que plus de 1 sur 4 femmes ont des relations sexuelles avec leur patron et leur responsable dans leur lieu de travail même. Et ça, c'est une étude qui a été faite en 2002, en Grande-Bretagne. 1 femme sur 4 a des rapports sexuels avec son supérieur au travail. Une autre étude qui a été effectuée aussi en Grande-Bretagne plus tard, pour voir que ce phénomène ne fait que augmenter et s'amplifier, a démontré que 63% des femmes en Grande-Bretagne subissent l'harcèlement sexuel dans leur lieu de travail, dans leur lieu de travail. Et aux États-Unis également, il y a eu des études qui ont été menées, notamment une dans les restaurants où les femmes travaillent comme serveuses, où les patrons leur imposent d'avoir des vêtements sexy et excitants pour mieux faire tourner le restaurant. Et ils ont fait une manifestation dans laquelle ils ont levé le slogan « Je ne fais pas partie du menu ». Je ne fais pas partie du menu. Mais la réalité, c'est ça. La femme, elle fait partie du menu. C'est un produit comme tous les autres produits que le restaurant propose au client. C'est un objet, c'est un produit. C'est pour ça la femme, comme j'ai dit, elle a été instrumentalisée, c'est devenu un objet sexuel pour les hommes. Et aux États-Unis également, c'est devenu un phénomène très répandu, où les jeunes filles, afin de poursuivre leurs études dans les universités américaines, qui sont très coûteuses, elles ont recours à ce qu'on appelle un partnership. C'est-à-dire, elle va avoir une relation avec une personne plus âgée qu'elle, beaucoup plus âgée qu'elle, en général des PDG, des responsables, des directeurs d'entreprise, des politiciens. Et cette relation, elle va l'accompagner. Comme Yanni, il a une voiture, comme quelqu'un parmi eux, il l'a dit explicitement. Comme il a une voiture, il aime bien avoir des jeunes filles, plusieurs. Chaque mois, il sort avec une de ces jeunes filles pour aller dans un restaurant et aussi pour profiter d'elle sexuellement. Pour profiter d'elle sexuellement en lui finançant ses études. Donc, la femme, elle est devenue indépendante. Elle est émancipée. Elle n'a plus besoin de l'homme. Par contre, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste que son honneur, que son corps comme marchandise. Et c'est devenu par la suite une équation impossible pour cette pauvre femme, soi-disant émancipée et libérée. Elle doit être libérée. Et pour libérer, il faut qu'elle renonce au mariage. Il faut qu'elle renonce à la famille. Et pour qu'elle soit l'égale de l'homme et qu'elle n'ait plus besoin de lui et pour qu'elle n'ait plus besoin de cet homme, il faut qu'elle travaille. Et pour travailler, il faut qu'elle ait une valeur dans la société. Cette valeur est liée à sa beauté physique et ses capacités sexuelles. Donc, c'est pour ça que beaucoup de femmes souffrent de troubles psychologiques, car elles sont victimes d'agressions sexuelles, d'harcèlement permanent partout où elles vont. Elle doit s'habiller sexy partout où elle va. Après, cette façon de s'habiller va lui attirer ses ennuis et ses harcèlements. Et c'est le cercle vicieux pour cette pauvre femme. Et c'est ce qu'ils veulent pour la femme musulmane. C'est ce qu'ils veulent pour la femme musulmane. Qu'elle devient également, comme ces femmes-là, qu'elle perd ses valeurs et sa moralité. Alors que ce que Dieu veut de la femme et veut pour elle, c'est pas ça. Allah, dans le Coran, il dit « وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » Comportez-vous avec elle convenablement. Comportez-vous convenablement envers elle. Ça, c'est un ordre aux époux. D'avoir un comportement convenable avec son épouse. Son épouse, c'est un trésor inestimable. Il dit également, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Il dit, quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Et notre prophète dit, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur pour son épouse. Et je suis le meilleur d'entre vous pour mon épouse. Donc c'est ça la valeur de la femme en islam. L'homme doit dépenser sur son épouse, obligatoirement, même si elle est milliardaire et lui il est pauvre. Il doit dépenser selon ses capacités. Et la femme est préservée. C'est pas tout homme qui vient qui puisse avoir des rapports avec elle. C'est pour toucher la femme musulmane, faut que tu ramènes deux témoins et tu prends l'accord de son tuteur et tu t'engages avec elle à vie en payant une dot. En payant une dot. Avec un engagement et avec un respect. C'est ça la valeur de la femme en islam. Après, il ramène des ambiguïtés, des choses comme quoi la femme n'a pas de droit. Quel droit a la femme occidentale aujourd'hui? Quel droit a la femme occidentale aujourd'hui? Est-ce qu'elle est devenue l'égale de l'homme? Est-ce qu'elle a le même salaire que l'homme pour une fonction égale? Est-ce qu'elle peut accéder à toutes les fonctions auxquelles accède l'homme? Ça, c'est des mensonges. Contrairement à l'islam qui a donné toute la valeur à la femme. Mais ces gens-là, ils oublient leur histoire. Et je ne parle pas d'histoire d'il y a 10 siècles ou 20 siècles. Je parle de l'histoire de quelques années seulement. Tout au long du 19e siècle. Tout au long du 19e siècle. La femme, faut voir comment elle était traitée en Occident. L'homme, il pouvait vendre sa femme, car c'était moins coûteux que de la divorcer. Il pouvait la revendre. Ça, c'est en Europe, dans le 19e siècle. C'est pas il y a, alors qu'en islam, il y a, aujourd'hui, il y a 15 siècles, la femme avait le droit de choisir son mari. La femme possédait, avait le droit de posséder des biens. La femme héritait. Et dans l'héritage de la femme, en islam, nous avons 34 cas d'héritage pour la femme. Dans 30 cas d'héritage, la femme, elle hérite une somme égale à l'homme ou supérieure. Il y a 4 cas où la femme, elle va hériter une somme inférieure à l'homme et pour des raisons qu'on peut expliquer et qui sont tout à fait logiques et rationnelles. Mais ces gens-là, ils ne cherchent pas à comprendre la vérité. Ils cherchent seulement à répandre les ambiguïtés pour faire fuir les gens de la vérité. Naam, en islam, quant à un fils et une fille, le fils prend une part double par rapport à sa sœur. Pourquoi? Parce que ce fils, c'est lui qui va dépenser sur son épouse. Alors que sa sœur, c'est son mari qui va dépenser sur elle. Ce fils, c'est lui qui va devoir payer une dot pour sa femme. Sa sœur, c'est elle qui va recevoir une dot. Et ainsi de suite. C'est pour ça, en islam, on appelle à la justice et l'équité. Et non pas à l'égalité. Il n'y a pas d'égalité possible. Il y a l'équité qui est possible et la justice. Chacun a le droit qu'il mérite. C'est comme quelqu'un qui appelle à l'égalité entre le lion et le singe. Il n'y a pas d'égalité. Il y a une complémentarité. La femme a été dotée de par son créateur de certaines qualités que l'homme n'a pas. Et l'homme, il a des qualités que la femme n'a pas. Ils se complémentent. Et regardez, si vous croyez en la nature, pourquoi ils sont pas les mêmes? Ils n'étaient pas conçus de la même façon. Il n'y a pas d'égalité. Il y a une complémentarité. Et la femme, elle mérite un bon traitement comme elle doit se comporter bien envers son mari. Et elle a des droits comme elle a des obligations envers son mari. C'est l'équité du Seigneur des mondes, du Créateur de toutes choses, que ces gens-là veulent qu'on délaisse et qu'on les suive dans leur égarement évident. Donc, ça, c'est quelques points. Je ne sais pas si on a encore le temps de... Donc, j'appelle toutes les femmes musulmanes à apprendre leur religion et à connaître leurs droits en islam afin de comprendre ce qu'on veut d'elles, ceux qui les appellent à la liberté, à l'émancipation Qu'est-ce qu'ils veulent par ces beaux slogans, ces slogans attirants? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelle est la réalité de ça? Ils veulent que la femme devienne un objet sexuel pour l'homme. Et sa valeur est proportionnelle à ce qu'elle propose de son corps. Et c'est pas ça ce que Dieu veut de la femme. Dieu, il veut la dignité de la femme. Il veut l'honneur de la femme. Il veut élever la femme. Il y a un point que je voulais aborder, car il est très important, mais je ne sais pas si on aura le temps. En tout cas, si on arrête, on continuera après la salade directement. Donc, ce point concerne certaines pensées erronées chez certains. Il y en a beaucoup qui pensent que la foi en Dieu est basée tout simplement sur la foi en l'invisible. Et ça, on l'a compris à travers ces cours, que le croyant, il arrive à la certitude dans sa foi en sa créateur, également avec des arguments rationnels incontestables. Des arguments rationnels incontestables. Et c'est pas une question sentimentale ou une éducation qu'on a reçue tout simplement. Il y en a qui sont comme ça, mais la foi ferme, c'est la foi qui est basée sur la science et sur les preuves, les différentes preuves avec lesquelles, les différentes preuves avec lesquelles on arrive à la foi en notre Créateur. Donc, notre foi, c'est une certitude dans laquelle il n'y a pas de doute. Et le fait que nous croyons en des choses qui font partie du monde invisible, ceci ne veut pas dire que c'est des croyances floues, des croyances incertaines, des croyances dans lesquelles il y a de l'incertitude. Absolument pas. Et on a vu des éléments et des phénomènes scientifiques auxquels on croit aujourd'hui, et on croit à 100% leur existence, tels que la gravité, tels que le courant électrique, tels que les ondes, tels que l'électron. On sait que c'est des certitudes, mais c'est des choses qu'on n'a pas vues. Donc, invisible n'est pas égal à flou ou incertain. Ça, c'est le premier point qu'on doit comprendre. Également, dans notre foi, nous avons les preuves de la nature humaine saine, qui sont parmi les preuves les plus fortes dans notre foi. Et également les preuves rationnelles. Ça, c'est des preuves qui conduisent directement vers la certitude dans la foi en son Créateur, à condition qu'on souhaite la vérité et qu'on cherche la vérité, et qu'il n'y ait pas de maladie dans le cœur, ni de suivi de la passion. Donc, des évidences qui permettent de croire en le Créateur et en son existence. Et donc, des évidences telles que les différentes lois qu'on a vues, notamment la loi de la causalité, telles que la loi de la causalité. Donc, la foi au Créateur est quelque chose qui est ancré en l'être humain. Et la preuve, parmi les preuves de cela, c'est qu'il est le Créateur des cieux et de la terre. Toute chose dans notre univers, dans notre monde, pour quelqu'un ayant une raison saine et un cœur purifié des maladies, il verra dans toute chose, dans son univers, dans son entourage, une preuve sur l'existence de son Créateur. Peut-être que je vais m'arrêter ici et on poursuit après la salat avec la permission d'Allah. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, avant de revenir ou de reprendre là où on s'était arrêté, je tenais à rappeler à mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, conseil d'un frère qui vous aime en Allah et qui aime votre bien. Vous avez vu toutes ces guerres menées contre la nature humaine saine, toutes ces guerres qui visent à vous voler vos enfants, à vous prendre vos enfants, si c'est pas les prendre physiquement, c'est au minimum prendre leur foi, prendre leur religion et leur valeur et leur moralité et les corrompre. C'est pour ça, je vous conseille à tous de les sauver et de quitter ces terres de mécréance et d'aller vers les terres de l'islam. D'aller vers les terres de l'islam, même si on est faible, et on est tous faibles, sauf celui à qui Allah a donné la force. Même si on est faible, comme je dis souvent, même pour le père de famille qui n'arrive pas à quitter les oraux de l'Europe, alors au minimum qu'il sauve sa famille, qu'il emmène sa femme et ses enfants, il les installe dans un pays d'islam. Et si lui, il veut rester là-bas pour travailler, c'est moins pire que celui qui laisse ses enfants entre les mains de ces criminels. Sans pitié. Et après, si jamais les enfants dévient, qu'est-ce qu'on aura gagné de cette dunya si on voit nos enfants touchés par des malheurs et par des catastrophes? Qu'est-ce qu'on aura gagné dans cette dunya? Et aussi pour celui qui n'a pas encore confiance en son créateur comme il faut et qui doute que si jamais il quitte une terre de mécréance où il a des facilités dans dunya, en allant vers une terre d'islam, il n'a pas cette confiance en son créateur. Il a peur de l'avenir, il a peur de rizq. Au moins, emmène tes enfants et ta femme. Au minimum, sauve-les. Car wallahi, si tu perds tes enfants, t'auras tout perdu dans cette dunya. Et t'es en plus responsable. Et tu ne vas jouir de rien dans cette dunya. Tu vois ta fille, elle devient lesbienne, ton fils, il devient gay. Qu'est-ce que tu auras gagné de cette dunya? Et pire encore, ils perdent leur religion. Ils deviennent des athées, des mécréants. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah préserve tous nos enfants et qu'Allah facilite à tous nos frères et sœurs, à tous nos frères et à toutes nos sœurs en Allah de quitter ces pays de mécréance et d'aller vers les terres de l'islam. Et le pire des pays musulmans est meilleur que le meilleur des pays de mécréance. Qu'Allah nous le facilite à tous. Donc, pour revenir aux arguments au sujet de l'existence d'Allah, de Dieu, comme j'ai dit, c'est pas uniquement des arguments basés sur la foi en l'invisible. Et tout d'abord, la foi en l'invisible n'est pas égale à la foi en quelque chose de douteux, comme certains ont tendance à croire. Et en plus, nous avons énormément d'arguments rationnels qui prouvent la véracité de notre foi et qui prouvent l'existence de Dieu. Comme je vous ai dit, tout ce que tu vois autour de toi, c'est une preuve de l'existence de ton Créateur. C'est pour ça Moïse, quand il a débattu avec Pharaon, فرعون فرعون a dit قال فرعون وما رب العالمين il a dit à Moïse il lui a dit c'est qui le Seigneur des mondes quelle était la réponse de Moussa il lui a dit قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين il a dit le Seigneur des cieux et de la terre si vous avez la certitude c'est-à-dire en regardant ces créations d'Allah notamment les cieux et la terre vous arriverez à croire en votre créateur et ça c'est un argument au sujet duquel il ne peut pas y avoir de doute si vous êtes des gens qui n'ont pas de doute, vous arrivez forcément à la vérité à travers ces preuves que vous voyez avec vos propres yeux. Et ça, c'est une preuve rationnelle, c'est une preuve évidente, et je pense que je l'ai répété plusieurs fois cette preuve-là. La preuve tirée de l'argument cosmologique, la preuve tirée de l'argument de l'existence. Quand Moïse a dit cela à Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Il lui a dit, c'est qui le Seigneur des mondes? Il lui dit, celui qui a créé les cieux et la terre. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rétorqué en disant, Inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Il a dit, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. Regardez, ça c'est parmi les raisonnements fallacieux qu'on étudie dans la science de la logique, parmi ces raisonnements fallacieux, quand tu n'as pas de réponse à ton adversaire, tu vas essayer de te moquer de lui et de l'accuser d'ignorance ou de l'accuser d'être un fou. Il a dit, il lui cite l'argument sur l'existence de Dieu, à savoir les cieux et la terre, il dit, votre messager est un fou. Qu'est-ce que Moussa a dit? Moïse a dit ensuite, Rabbul Mashriq wal Maghrib wa ma baynahuma in kuntum ta'qilun. Il dit, et écoutez cette excellente réponse de la part de Moïse, il dit, le Seigneur de l'Est et de l'Ouest, est-ce qu'il y a entre les deux? Si vous êtes doté de bon sens, c'est-à-dire si vous reniez l'existence de Dieu avec toutes ces preuves évidentes, c'est vous qui méritez d'être accusé de folie, et non pas celui qui vous transmet la science bénéfique et profitable, qui est Moïse. C'est vous qui êtes les plus à même de cette description. Également comme la loi de la causalité, qui indique l'existence de Dieu. Et si vous avez une raison saine, vous arriverez à cette déduction facilement. Et dans le Coran, ce style est très utilisé. Ce style est très utilisé. Si vous ne croyez pas en la création de Dieu et en tous les signes qu'il a mis à votre disposition, alors en quoi vous allez croire par la suite? Ça c'est un verset. Allah Azza wa Jalla dit: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ تُؤْمِنُونَ. Si vous ne croyez pas en Allah et en ses signes apparents et évidents, en quoi vous allez croire par la suite? C'est pour ça, on a vu à plusieurs reprises que les athées ils arrivent à ne croire en rien, à douter de toute chose. Celui qui ne croit pas en son créateur, forcément, il finit ainsi. Il doute de toute chose. Et également, parmi ces preuves de l'existence de Dieu, ces preuves rationnelles, il y en a certaines qu'on a déjà vues, mais j'ai voulu y revenir pour leur importance, nous avons ce qu'on appelle la preuve de la providence. Comme on a vu, l'athéisme est une religion basée sur des hypothèses illusoires et des imaginations erronées. Contrairement à la foi en Dieu, qui est basée sur des axiomes innés et sur des faits incontestables que nous observons avec nos propres yeux, des éléments rationnels et des preuves évidentes. C'est pour ça, un athée, il tombe dans énormément de contradictions, notamment la combinaison du néant, yani parmi ce qu'il avance, que la combinaison du néant a abouti à un univers merveilleux et impressionnant, avec des mesures précises et des limites critiques. C'est ce qu'il prétend. Et que la coïncidence a produit les limites critiques et les constantes physiques avec lesquelles l'univers a été fondé. Alors que les deux conditions de la coïncidence, ça on l'a déjà vu, sont l'espace et le temps. Et notre univers est issu en dehors du temps et de l'espace. Donc, d'aucune coïncidence. Également, le caractère aléatoire, ainsi que l'environnement primaire de la Terre, ont produit la vie. C'est ce qu'il dit. Et ont créé des bactéries et des humains. Tandis que l'intelligence humaine, qui est actuellement au sommet de sa puissance, ne peut produire les formes les plus simples de la vie. Également, il dit que toutes les valeurs morales que nous jugeons valables vont le plus souvent à l'encontre du matérialisme. Et l'éthique et la moralité représentent un fardeau matériel, une perte en termes d'intérêt mondain. Quand t'aides une personne, tu perds du temps, tu perds de l'argent. Quel intérêt y a en cela? Quel profit? Donc ça, ce sont des impossibilités rationnelles auxquelles l'athée doit faire face quand il devient athée. Et également, dans l'athéisme, il n'y a aucune autorité intellectuelle ou matérielle qui empêche la personne de commettre des crimes, même à l'égard de l'humanité. Qu'est-ce qui l'empêche de les faire? Il n'y a pas d'autorité intellectuelle. Il n'y a pas de jugement après la mort du moment qu'on ne l'emprisonne pas et il échappe à la prison. Il ne risque rien. Donc, si on veut résumer la preuve, la première preuve que je vais citer, c'est la preuve de la création. Appelé également l'argument cosmologique qui dit que toute créature nécessite forcément un créateur. On est des créatures, forcément nous avons un créateur. Le deuxième argument que je voulais citer, c'est ce qu'on appelle l'argument de la providence et de la perfection. Tout ce qui existe, de la plus petite matière qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les quartz, qui rentrent dans la composition de la structure atomique, jusqu'aux créatures les plus grandes qu'on connaît, qui sont les galaxies. Toutes, elles présentent un certain degré de complexité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'ils remplissent une fonction spécialisée et une tâche spécifique. Et toute complexité fonctionnelle dans la nature est un statut supérieur à la simple existence. C'est pour ça, la complexité qu'on voit dans les créatures et dans tout ce qui nous entoure, et que chaque chose a une fonction bien définie et elle fonctionne selon un système bien déterminé, tout ça indique qu'il y a forcément un créateur. Donc la complexité fonctionnelle est une preuve de façonnage et de création. Si on prend un exemple, l'exemple de la lampe. En physique, dans le domaine de l'électricité, nous avons une lampe. Dans cette lampe, nous trouvons qu'elle est composée de 5 éléments. Chaque ampoule est composée d'un filament et d'un fil conducteur qui permet de conduire l'électricité jusqu'au filament. Elle est composée d'un gaz inerte qui permet de protéger la mèche à l'intérieur de la lampe et d'éviter les réactions entre la mèche et l'électricité ou autre. Et aussi, l'ensemble est contenu dans un verre qui empêche l'entrée de l'air à l'intérieur ou la sortie de ce gaz inerte à l'intérieur de l'ampoule. Si l'air entre ou si le gaz sort, forcément la mèche va brûler et l'ampoule cramera. Et ensuite, elle est composée en bas d'un socle, le socle de la lampe, qui permet de relier la lampe au support. Et également, il sert de parcours pour le courant électrique. Donc ça, c'est ampoule. Et ce système, qui est beaucoup moins complexe et qui comporte beaucoup moins de fonctionnalités que ce que nous voyons dans la nature. Donc forcément, ce système que je vous ai décrit, celui de la lampe, forcément, il indique une fabrication élaborée. Il indique une fabrication élaborée, c'est-à-dire un composant de plusieurs éléments qui contribuent tous pour arriver à la même fonctionnalité. Et la personne qui nie que la fabrication élaborée de l'ampoule ou suppose son apparition par hasard, ça c'est, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit ça, qu'une ampoule a existé par hasard. Ils ne peuvent pas le dire au sujet de l'ampoule, ils peuvent le dire au sujet de la cellule de l'homme ou des animaux, à cause de l'ignorance. Et s'il prétend que ça a été fabriqué, ça a été créé par hasard, c'est lui qui doit le prouver. Imagine-moi, je dis, cette ampoule, tellement elle est complexe et tellement elle comporte de fonctionnalités et l'harmonie qu'il y a entre les différents composants et le perfectionnement de sa fabrication, donc sa fabrication élaborée, si moi je dis, c'est qu'il y a un fabricant. Un concepteur. Est-ce que moi je dois présenter des preuves ou c'est celui qui dit non, ça a été fait par hasard? Bien évidemment, tout homme sensé va dire c'est celui qui dit que ça a été créé par hasard qui doit ramener des preuves. Et celui qui a fabriqué l'ampoule connaît parfaitement la signification et les notions de l'électricité. Il connaît les parcours de cette électricité dans l'ampoule et l'utilité de l'ampoule. Il connaît également la sensibilité du filament. Il l'a choisi avec une précision. Donc c'est quelqu'un qui a toutes ses compétences. Et donc, quand on voit une ampoule devant nous, cela indique forcément d'une manière directe qu'elle a un fabricant compétent qui a des compétences dans tous ses domaines. Et elle n'est pas apparue d'une manière aléatoire et par une coïncidence. C'est pas parce qu'on voit différentes ampoules qu'on va dire non, ça a été créé par hasard, parce qu'elles sont différentes. Et c'est avec le même raisonnement logique et la même déduction intellectuelle que nous constatons qu'une chose fonctionnelle complexe, comme un être humain, doit avoir un créateur. L'ampoule qu'on a décrit, elle se compose de 5 éléments seulement. Un être humain, il est composé de 4 milliards de composants dans chacune de ces cellules. 4 milliards de composants qui composent les fonctions d'un organisme vivant. Il s'appelle le code génétique, ou le génome, ou encore l'ADN. Il réside dans le noyau de chacune de nos cellules, cet ADN. Si on pense que 5 composants ont un fabricant et ne peuvent pas être le fruit du hasard, et que cet homme, tellement complexe, dans chacun de ses systèmes, il en a des centaines, dans le corps de l'être humain, il y a des centaines de systèmes extrêmement complexes, et tout fonctionne dans le même sens, avec une même allure, et pour le même but. Si on pense que ça c'est le hasard et la coïncidence, alors ça c'est une problématique, une vraie problématique. C'est pour ça Dieu nous dit, dans le sens, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Est-ce qu'on a été créé de rien? Du néant? Impossible. On s'est créé nous-mêmes, comme certains athées, quand tu leur dis qui t'a créé, ils te disent mon père et ma mère. Ça, c'est comme le paradoxe de qui a créé l'autre, la poule ou l'œuf. Que les Grecs à l'époque, ils passaient du temps à ce sujet. Qui a créé l'autre, la poule ou l'œuf? Lui, tu lui dis qui t'a créé, il te dit mon père et ma mère. Et qui a créé ton père et ta mère? Mon grand-père et ma grand-mère. Vous imaginez le niveau intellectuel tellement bas. Donc la complexité fonctionnelle et la fonction de chaque atome et particule sont présentes dans toute chose dans l'univers. Il n'y a pas une chose dans laquelle il n'y a pas cette complexité et ces fonctions spécifiques. Et le plus petit être vivant qui existe sur Terre, c'est une forme de bactérie qui comporte presque 400 gènes. Presque 400, très exactement, je ne me rappelle pas exactement, mais ça doit être quelque chose comme 387 gènes. Et scientifiquement, il est prouvé que c'est pas possible qu'un être vivant reste en vie avec un nombre inférieur à celui-là. Alors que Darwin, il suppose qu'on a commencé avec une cellule, avec une gène unique. Mais lui, on peut tolérer son erreur. À l'époque, il n'y avait pas les microscopes, il n'y avait pas tout ça. Quand il voyait une cellule, quand il s'imaginait la cellule toute petite, il s'imaginait que c'était quelque chose de très simple. Une cellule, aujourd'hui, il est démontré que la cellule, c'est comme une ville tout entière dans laquelle il y a tout ce qu'il faut. Et c'est pour ça Dieu nous dit, dans le sens, certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, encore un autre signe de l'existence de Dieu. Cette alternance entre le jour et la nuit, avec minutie et précision, selon un système bien défini, au point où on peut prévoir la levée du jour elle arrivera à quel moment? Exactement avec les secondes. Ensuite, Dieu nous dit, et dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, la vie qui est rendue à la terre après sa mort, une terre morte dans laquelle il n'y a aucune végétation. Quand Allah fait descendre la pluie, et la terre te dira, nous connaissons le système selon lequel la pluie descend, c'est l'évaporation. Je ne réponds plus à ces choses-là, là, non, on les a déjà vues, et il n'y a pas besoin de beaucoup d'intelligence pour répondre à ces aberrations. Donc, Dieu, il fait descendre cette pluie, il rend la terre morte, il la rend vivante de végétation et de plantation. Il répand des bêtes de toute espèce dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre. En tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Sourate la vache, chapitre la vache. Donc, tout ça, c'est des signes pour ceux qui veulent la vérité et qui cherchent vraiment la vérité. Et les versets à ce sujet sont très nombreux. Dieu, il nous dit, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Celui qui utilise sa raison et médite sur l'existence, les preuves de la création et l'argument cosmologique et examine la précision et les fonctions des créatures, reconnaîtra l'existence de son créateur par sa raison. Par sa raison. Donc le dernier point avec lequel nous allons terminer cette série de cours, peut-être qu'on aurait pu faire d'autres cours sur d'autres points très importants également, les preuves rationnelles de la véracité de l'islam, les preuves rationnelles de la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que nous allons faire peut-être un cours ou, s'il y a besoin, un autre cours où nous parlerons de ces arguments rationnels sur la véracité de la religion de l'islam et également la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je termine avec un dernier argument. Un argument qui a fatigué les athées et qui les laisse sans réponse. Cet argument, je l'ai déjà mentionné, mais j'ai aimé terminer avec pour son évidence. Comme l'argument de la causalité, comme l'argument de la création, comme l'argument de la moralité, et encore d'autres arguments, tous rationnels. L'argument de la nature humaine saine, l'argument de la tendance religieuse chez l'homme, et ainsi de suite. Donc, en islam, cet argument, on l'appelle l'argument du libre arbitre. Le libre arbitre qu'on a tous. Et avec notre nature humaine saine, chacun d'entre nous, il réalise qu'il a un libre arbitre. Qu'il a un choix dans ce qu'il fait. Il réalise qu'il choisit ce qu'il fait. L'athée, il choisit d'être un athée. Le croyant, il choisit d'être un croyant. C'est le libre arbitre que Dieu nous a accordé. Et c'est à cause de ce libre arbitre que nous allons être jugés. Car on est responsable. Dieu nous a rendus responsables de nos actes et de nos paroles et de nos croyances. Et par conséquence, chacun de nous devra rendre compte de ses actes. Mais, en athéisme, il n'y a pas de créateur. Il n'y a pas de nature humaine saine. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a que la matière. Un ensemble de molécules et d'atomes. Quand on dit à des athées, comment vous expliquer cette chose à laquelle l'homme ne peut pas résister? ce libre arbitre dont on est doté. Cette liberté de faire des choix qu'on a tous. Est-ce que quelqu'un peut renier ça? L'athée renie ça. L'athée, je parle de l'athée qui a compris l'athéisme. Pas l'athée qui a entendu à la télé, il est devenu athée. Il voulait se débarrasser de la religion, il a trouvé l'occasion, bon débarras. Et il suit ses passions. L'athéisme qui dit qu'on peut avoir des relations sexuelles avec les membres de nos familles, avec nos mères, nos sœurs, avec les animaux, avec les chiens, avec toutes choses. Ça, c'est l'athéisme. C'est de cet athéisme que je parle. Un man athée qui suit uniquement les médias, il comprend même pas dans quoi il est, dans quel délire il est, celui-là, nous lui demandons à réfléchir davantage et à savoir dans quoi il a mis le pied. Donc, quand on leur dit, comment vous expliquez ce phénomène? On achète, on choisit d'acheter et de ne pas acheter. On choisit de parler et de ne pas parler. On choisit d'écrire et de ne pas écrire. Moi, je choisis de parler maintenant. J'aurais pu ne pas parler. Voilà, je vais plus parler. Là, je vais recommencer et reprendre la parole. Donc, comment vous expliquez ça? Ils disent, yani, comment vous expliquez ça? Alors que, selon vous, l'être humain est composé d'atomes et de molécules qui n'ont pas de conscience, ni de libre arbitre, ni de choix. L'être humain est issu d'une matière qui suit des lois chimiques connues. Tout simplement. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ça c'est dû à nos gènes. C'est comme yani, celui qui te pose la question, qui a créé la voiture, tu dis, elle fonctionne selon les lois de la mécanique ou de la combustion. Donc comment vous expliquez ça? Parce que selon vous, l'être humain est semblable à des robots. Il est semblable à un robot créé à partir de matière. Et ce robot, pour eux, il est programmé selon une certaine programmation, selon ses codes génétiques qu'il a en lui, et qui donne et qui explique tous les phénomènes constatés chez l'homme. Et nous, selon vous, on est des robots, pas des robots métalliques, mais des robots en chair et en os. Mais expliquez-nous le phénomène du libre arbitre. À cette question, les athées ne savent pas répondre. Et ça les laisse perplexes, comme c'est le cas de Richard Dawkins et également de son copain Lawrence Krauss. Les deux ont reconnu que cette question les trouble et leur fait peur. Car ses convictions rationnelles lui disent que l'homme est créé à partir de matière et la matière n'a aucun libre arbitre, aucune volonté, aucune liberté. Donc, pour lui, ses convictions, c'est qu'on est issu de la matière, on n'a pas de libre arbitre. Malgré qu'il réalise qu'on a un libre arbitre, mais sa conviction, elle s'oppose avec ses sentiments et avec ce qu'il ressent et avec ce qu'il constate en lui-même. Et ça, c'est comme ça que les athées fuient les réponses aux évidences et aux axiomes innés chez l'être humain. Donc une question qui lui fait peur, à laquelle il ne sait pas répondre, mais il va quand même donner une explication. Voilà, la base, c'est qu'on est issu de la matière et on n'a pas de libre arbitre. Donc, ce que tu ressens, il va te dire, ce sont des illusions. Ce sont des illusions. C'est pas un libre arbitre qu'on a réellement. Ce sont que des illusions. Pourquoi t'as ces valeurs et ces moralités en toi, ancrées en toi? Ce sont des illusions. Pourquoi chez l'homme, il y a un penchant vers la religion. Ce sont des illusions, et ainsi de suite. Donc, c'est ça leur réponse à cette grande question. C'est pour ça, Dawkins lui-même, dans son livre « Une rivière de Aden », il parle de l'ADN. Il parle de l'ADN. Il dit que l'ADN n'a aucune conscience. L'ADN de l'homme n'a aucune conscience, ni aucune volonté. Et toi, t'es pareil. Et il dit, en réalité, nous ne faisons que de danser selon les notes et les mélodies de notre ADN. En autre terme, c'est comme s'il disait, on est des robots contrôlés par nos gènes. Bien évidemment, on sait que les gènes sont à l'origine de tout ce qui se passe chez l'être humain. Il y a à savoir, chaque membre qui pousse, c'est dans des gènes. La couleur de tes cheveux, c'est dans les gènes. La couleur de tes yeux, toute information te concernant, ta taille, et ainsi de suite, tout ça, c'est dans les gènes. Mais qui a programmé ces gènes? C'est comme celui à qui tu poses la question, comment, qui a conçu le PC? Il te dit, le PC, il a été conçu par hasard. D'accord, par hasard. Et ensuite, les composants. Comment ça se fait qu'il y a tous les composants qui permettent le fonctionnement du PC? Tu retires un composant, il ne fonctionne plus. Il te dit, c'est le hasard. D'accord, c'est le hasard. Mais après, comment tu peux expliquer l'existence de logiciels et de programmes sur le PC? Ça, tu vas pas me dire, c'est le hasard. Ça, c'est semblable à cette programmation chez l'être humain. Forcément, une programmation nécessite un programmateur. Forcément, une programmation nécessite un programmateur. Personne ne peut accepter que des logiciels ont été créés sur un PC qui a été composé par hasard, et eux aussi, ils sont créés par hasard. Mais l'athée peut arriver jusqu'à là. C'est pour ça que l'athée, il va s'opposer à sa raison, il va s'opposer à sa nature humaine saine, il va s'opposer à ses sens, il va s'opposer à sa logique, il va s'opposer à ses instincts et à tout ce qui l'entoure. Et c'est pour ça que certains grands athées tels que Samuel Harris a écrit un livre qu'il a intitulé « Le libre arbitre est une illusion ». Et il décrit l'homme comme étant une poupée biochimique. Une poupée biochimique. Et ça, c'est parmi les livres qui ont été le plus vendus. Donc ça, c'est la grande réalisation des athées. Ils ont réussi à convaincre les gens qu'il n'y a pas de Dieu et qu'ils sont tout simplement des poupées biochimiques qui bougent. Un autre professeur qui s'appelle Jerry Cohen a écrit un article dans lequel il a dit « Tu ne possèdes pas un libre arbitre. Tu ne possèdes pas un libre arbitre. » Et ça, c'est ce qui est cohérent avec l'athéisme. Ces gens-là, ils ont compris l'athéisme. C'est ça l'athéisme, c'est que tu possèdes pas un libre arbitre. Donc, comment expliquer le libre arbitre qu'on connaît tous de nous? Moi, je choisis de faire. Tout ça, c'est des illusions. Tu te trompes. Mais, en réalité, ils n'ont pas trouvé une issue à cette problématique qui est la problématique du libre arbitre. Si l'humain, et regardez toujours, il y a des conséquences très graves à ce qu'ils disent. Si on suppose que c'est vrai, que l'être humain n'a pas de libre arbitre, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'il ne choisit pas ce qu'il fait. Pourquoi on a construit alors des tribunaux? Pourquoi on a désigné des juges? Pourquoi on condamne des criminels et des meurtriers, et des voleurs, et des violeurs? Pourquoi? Ces gens-là, ils ne font qu'agir selon leur gêne. Ils agissent de cette manière malgré eux. Eux, ils décrivent l'homme comme étant un robot en chair et en os. Mais quand est-ce qu'on a vu un robot en chair et en os? Il agit de lui-même. Il agit selon la programmation qui a été faite en lui. Donc, pourquoi on va juger un meurtrier? Pourquoi on va condamner un criminel? Et c'est ce même Sam Harris, qui a prétendu que l'homme n'est qu'une poupée biochimique, lui-même, il a proposé de jeter une bombe nucléaire sur tous les musulmans afin de se débarrasser de leur mal. Car ceux qui leur posent problème sur Terre aujourd'hui, c'est ceux qui sont encore sur la nature humaine saine. C'est eux seulement qui peuvent dévoiler. Vous imaginez ce discours quand un scientifique vient dans des pays où l'athéisme est propagé, il leur dit « L'homme n'a pas de libre arbitre, ils ne réfléchissent pas aux conséquences de cette parole. » Et pour eux, c'est un scientifique, donc c'est vrai. Mais imagine les conséquences. Donc lui, il prétend que l'homme n'a pas de libre arbitre, et pourtant il veut tuer les musulmans. Les pauvres musulmans, ils suivent l'islam parce que à cause de leur gêne. Ils ont trop de gènes religieux. Et pourquoi vous voulez les condamner? Pourquoi vous appelez les gens à l'athéisme? C'est des contradictions sans fin. Laissez les gens tels qu'ils sont. Ils vont faire leur choix selon leur gêne. Pourquoi vous les obligez à devenir des athées? Pourquoi vous voulez inculquer l'athéisme dès le jeune âge pour les enfants afin qu'ils grandissent ainsi? Et l'illusion du libre arbitre a conduit à l'illusion de Dieu. Et que Dieu n'existe pas. Et tout ce qu'on peut penser, ce ne sont que des illusions. Et malgré ça, ils veulent punir les criminels. Alors qu'ils prétendent qu'il n'y a pas de libre arbitre. Et ça, c'est les séries de contradictions sans fin dans l'athéisme. Et aussi, il renie la raison. Et en arabe, quand on dit raison, on dit aql. Aql, c'est quelque chose qui t'empêche de faire des choses. Ça te retient. L'aql, il t'empêche de faire le mal et de faire ce qui est blâmable. Il raisonne. Il te retient. Ça, c'est l'aql. Et la raison de l'homme l'empêche de devenir comme du bétail, comme un animal. Donc, si on n'a pas de libre arbitre, notre raison n'a aucune valeur, pourquoi les athées, ils se font appeler les penseurs, comme une organisation très connue aux États-Unis qui s'appelle Free Thinkers. Les penseurs libres, ils prétendent être libres alors que l'homme n'a aucune volonté. Ils prétendent être des penseurs et des gens qui réfléchissent alors qu'on est issu de la matière. Regardez toutes ces contradictions, mais malheureusement la plupart des gens, quand ils entendent un athée dire qu'il est un libre penseur, ils ne pensent pas à toutes ces contradictions dans lesquelles ils tombent. L'homme n'a de liberté, et n'a de libre arbitre, et n'a de dignité que dans la soumission à son Créateur. C'est là où il rejoint sa nature humaine saine, c'est là où il jouit des meilleures des moralités, c'est là où sa vie prend un sens, c'est là où il vit selon des valeurs et des principes, et c'est là où il a une explication pour sa vie d'ici-bas et pour la vie après la mort, l'autre vie après la mort. Et contrairement à l'athéisme, où il est considéré comme un déchet chimique, ou une poupée biochimique, ou un robot en chair et en os, ou une bactérie autorépliquante, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des questions auxquelles les athées ne peuvent jamais faire face. Ne demandons à Allah de nous orienter vers la vérité et de nous raffermir sur la vérité jusqu'à le rencontrer. Et de nous pardonner nos erreurs et nos péchés et de nous accorder sa miséricorde et sa clémence et son pardon et de nous accorder une bonne fin et de nous ressusciter avec les prophètes et les véridiques et les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie, la compagnie de ceux-là. Voilà, mes frères, notre cours prend fin ici. Je demande à Allah d'accepter nos œuvres et de nous accorder la sincérité dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons. Et si vous avez des interrogations à ce sujet, n'hésitez pas à me les faire parvenir et j'essaierai de leur donner réponse dans la mesure du possible. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.